Mémoire de Fanny Hill, femme de plaisir, de John Cleland. Lettre première. Madame, je vais vous donner une preuve indubitable de ma complaisance à satisfaire vos désirs. Et quelque mortifiante que puisse être la tâche que vous m'imposez, je me ferai un devoir de détailler avec fidélité les périodes scandaleuses d'une vie débordée, dont je me suis enfin tirée heureusement, pour jouir de toute la félicité que peuvent procurer l'amour, la santé et une fortune honnête. Étant d'ailleurs encore assez jeune pour en goûter le prix et pour cultiver un esprit qui naturellement n'était pas dépravé, qui, même parmi les dissipations où je me vis entraînée, ne laissa point de former des observations sur les mœurs et sur les caractères des hommes, observations peu communes aux personnes de l'état où j'ai vécu, lesquelles, ennemies de toute réflexion, les bannissent pour jamais, afin d'éviter les remords qu'un retour sur elles-mêmes ferait naître dans leur cœur. Haïssant aussi mortellement que je le fais toute préface inutile, je ne vous ferai point languir par un exorde ennuyeux. Je dois seulement vous avertir que je retracerai toutes mes actions avec la même liberté que je les ai commises. La vérité toute nue guidera ma plume. Je ne prendrai même pas la peine de couvrir de la plus légère gaze mes crayons. Je peindrai les choses d'après nature, sans crainte de violer les lois de la décence, qui ne sont pas faites pour des personnes aussi intimement amies que nous. D'ailleurs, vous avez une connaissance trop consommée des plaisirs réels pour que leur peinture vous scandalise. Vous n'ignorez pas que les gens d'esprit et de goût ne se font nul scrupule de décorer leur cabinet de nudité de toute espèce. Quoique, par la crainte qu'ils ont de blesser l'œil et les préjugés du vulgaire, ils ne gardent de les exposer dans leur salon. Passons à mon histoire. On m'appelait, étant enfant, France Hill. Je suis née de parents pauvres, dans un petit village près de Liverpool, dans le Lancashire, de parents extrêmement pauvres, et je le crois pieusement très honnête. Mon père, qu'une infirmité empêchait de travailler aux gros ouvrages de la campagne, gagnait, à faire des filets, une très médiocre subsistance. Que ma mère n'augmentait guère, en tenant une petite école de filles dans le voisinage. Ils avaient eu plusieurs enfants, dont j'étais restée seule, en vie. Mon éducation, jusqu'à l'âge de 14 ans passé, avait été des plus communes. Lire, ou plutôt épeler, griffonner et coudre assez mal, faisait tout mon savoir. À l'égard de mes principes de vertu, il consistait dans une parfaite ignorance du vice et dans une sorte de retenue et de timidité naturelle à notre sexe, dans la première période de la vie, où les objets vous effraient surtout par leur nouveauté. Mais alors nous ne guérissons de la peur que trop tôt, aux dépens de notre innocence. Lorsque nous nous habituons peu à peu à ne plus voir dans l'homme une bête féroce prête à nous dévorer. Ma pauvre mère avait toujours été tellement occupée de son école et des petits embarras du ménage qu'elle n'avait employé que bien peu de temps à m'instruire. Au reste, elle était trop ignorante du mal pour être en état de me donner des leçons qui puissent m'en garantir. J'étais entrée dans ma 15e année, lorsque les chers et regrettables auteurs de ma vie moururent de la petite vérole, à quelques jours l'un de l'autre. Mon père mourut le premier, entraînant ma mère dans la tombe. Je me trouvais, par leur mort, une malheureuse orpheline, sans ressources et sans amis, car mon père, qui était du comté de Kent, s'était établi par hasard dans le village. Je fus aussi attaquée de cette contagieuse maladie, mais fort légèrement. Je fus bientôt hors de danger. Et, avantage dont j'ignorais alors la valeur, sans qu'il m'en restât aucune marque. Je passe sur le chagrin, la véritable affliction où cette perte me plongea. Le temps et l'humeur volage de la jeunesse n'en effacèrent que trop tôt de ma mémoire la triste et précieuse époque. Mais ce qui contribua surtout à me la faire oublier, ce fut l'idée, qu'on me mit tout à coup dans la tête, d'aller à Londres chercher une place. Une jeune femme nommée Esther Davis, alors dans notre village, devait retourner incessamment à Londres, où elle était en service. Elle me proposa de l'y suivre, m'assurant de m'aider de ses avis et de son crédit, pour me faire placer. Comme il n'y avait personne au monde qui se mit en peine de ce que je deviendrais, et que la femme qui avait pris soin de moi après la mort de mes parents m'encourageait plutôt dans mon nouveau dessein, j'acceptais sans hésiter l'offre qu'on me faisait, résolue d'aller à Londres et d'y tenter fortune. Tentative qui, soit dit en passant, est plus funeste qu'avantageuse aux aventuriers de l'un et l'autre sexe, émigrés de leur province. J'étais enchantée des merveilles qu'Esther Davis me contait de Londres. Il me tardait d'y être, pour voir les lions de la tour, le roi, la famille royale, les mausolées de Westminster, la comédie, l'opéra, enfin, toutes les jolies choses dont elle piquait ma curiosité par ses agréables récits et dont le tableau détaillé me tourna complètement la tête. Je ne puis non plus me rappeler sans rire la naïve admiration, mêlée d'une pointe d'envie, avec laquelle nous autres pauvres filles, dont les habits du dimanche étaient tout au plus des chemises de grosse toile et des robes d'indienne, nous regardions Esther avec ses robes de satin luisant, ses chapeaux, bordés d'un pouce de dentelle, ses rubans aux vives couleurs brochées d'argent, toutes choses qui, pensions-nous, poussaient naturellement à Londres et qui entrèrent pour beaucoup dans ma détermination d'y aller, afin d'en prendre ma part. Quant à Esther, son seul et unique motif pour se charger de moi pendant le voyage était d'avoir en route la société d'une compatriote. Nous allions dans une ville où, comme elle me disait dans son langage et avec ses gestes, nombre de pauvres campagnards ont trouvé moyen, par leur bonne conduite, de s'enrichir, elle et les leurs. Bien des filles vertueuses ont épousé leurs maîtres, qui les font aujourd'hui rouler en carrosse. On en connaît même quelques-unes qui sont devenues duchesses. La chance fait tout, et nous y pouvons prétendre aussi bien que les autres. Et un tas de propos pareils qui me faisaient griller d'envie d'entreprendre cet heureux voyage. Que devais-je quitter d'ailleurs? Un village où j'étais née, il est vrai, mais où je n'avais personne à regretter. Un endroit qui m'était devenu insupportable, depuis qu'à des témoignages de tendresse avaient succédé des airs froids de charité, dans la maison même de l'unique amie dont je pouvais attendre soin et protection. Cette femme, toutefois, se conduisit honnêtement. Elle fit argent des petites choses qui me restaient et me remit les dettes et les frais d'enterrement acquittés, toute ma fortune, à savoir 8 guinées et 17 shillings. J'empaquetai ma modeste garde-robe dans une boîte à perruques et mis mon argent dans une boîte à ressort. Je n'avais jamais vu tant de richesses et ne pouvais concevoir qu'il fût possible de la dépenser. Ma joie de posséder un tel trésor était si réelle que je fis très peu d'attention à une infinité de bons avis qui me furent donnés, par surcroît. Nous partîmes par la voiture de Chester. Je laisse de côté la petite scène des adieux où je versais quelques larmes de chagrin et de joie. Ma conductrice me servit de mère pendant la route, en considération de quoi elle jugea à propos de me faire payer son écho jusqu'à Londres. Elle fit à la vérité les choses en conscience et ménagea ma bourse comme si c'eût été la sienne. Je ne m'arrêterai pas aux détails insignifiants de ce qui m'arriva en route, comme par exemple les regards que d'un œil humide de liqueur me lançait le postillon, le manège de tel ou tel des voyageurs à mon adresse, déjoué par la vigilance de ma protectrice Esther. Ce ne fut qu'assez tard un soir d'été que nous arrivâmes à la ville, dans notre pesant équipage traîné cependant par 2 forts chevaux. Comme nous passions par les grandes rues qui menaient à notre auberge, le bruit des voitures, le tumulte, la cohue des piétons, bref, tout ce nouveau spectacle, des boutiques et des maisons, me plaisait et m'étonnait à la fois. Lorsque nous fûmes arrivés à l'auberge et que nos bagages furent descendus, Esther Davis, sur la protection de qui je comptais plus que jamais, me pétrifia par une froide harangue, dont voici la substance. « Loué soit Dieu, nous avons fait un bon voyage. Ça, je m'en vais vite dans ma place. Songez à vous mettre en service le plus tôt que vous pourrez. » N'appréhendez pas que les places vous manquent. Il y en a ici plus que de paroisses. Je vous conseille d'aller au bureau de placement. Pour moi, si j'entends parler de quelque chose, je vous en donnerai avis. Vous ferez bien en attendant de prendre une chambre. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. J'espère que vous serez toujours brave fille et ne ferez point tort à vos parents. Après cette belle exhortation, elle me fit une courte révérence et prit congé de moi, me laissant pour ainsi dire confiée à moi-même, aussi légèrement que je lui avais été confiée. Je sentis avec une amertume inexprimable la cruauté de son procédé. Elle n'eut pas les talons tournés que je fondis en larmes, ce qui me soulagea un peu, mais point assez pour me tranquilliser l'esprit sur l'embarras où je me trouvais. Un des garçons de l'hôtellerie vint mettre le comble à mes inquiétudes en me demandant si je n'avais besoin de rien. Je lui répondis naïvement que non, mais que je le priais de me faire avoir un logement pour cette nuit. L'hôtesse parut et me dit sèchement, sans être touchée de l'état où elle me voyait, que j'aurais un lit pour un shilling et que, ne doutant pas que je n'eusse des amis dans la ville, ce qui me fit hélas pousser un grand soupir, je pourrais me pourvoir le lendemain matin. Dès que je me vis assurée d'un lit, je repris courage et résolus d'aller, le jour suivant, au bureau de placement dont Esther m'avait donné l'adresse sur le revers d'une chanson. J'espérais trouver dans ce bureau l'indication d'une place convenable pour une campagnarde telle que moi et qui me permettrait d'épargner le peu que je possédais. Quant à un certificat de bonne conduite, Esther m'avait souvent répété qu'elle se chargeait de m'en procurer un. Or, si affectée que je fusse de son abandon, je n'avais pas cessé de compter sur elle. En bonne fille que j'étais, je commençais à croire qu'elle avait agi tout naturellement et que si j'en avais mal jugé d'abord, c'était par ignorance de la vie. L'impatience où j'étais de mettre mon projet à exécution me rendit matinale. Je mis à la hâte mes plus beaux atours de village et, laissant l'hôtesse dépositaire de ma petite malle, je m'en fus droit au bureau qui me fut indiqué. Une vieille matrone tenait cette maison. Elle était assise devant une table avec un gros registre où paraissait griffonné par ordre alphabétique un nombre infini d'adresses. J'approchai de cette vénérable personne, les yeux respectueusement baissés, passant à travers une foule prodigieuse de peuple, tous rassemblés pour la même cause. Je lui fis une demi-douzaine de révérences niaises en lui bégayant ma très humble requête. Elle me donna audience avec toute la dignité et le sérieux d'un petit ministre d'État, et m'ayant toisé de l'œil, elle me répondit, après m'avoir fait au préalable lâcher un shilling, que les conditions pour femmes étaient fort rares, et surtout pour moi qui ne paraissait guère propre aux ouvrages de fatigue. Mais qu'elle verrait pourtant sur son livre s'il y avait quelque chose qui me convainc, quand elle aurait expédié quelques-unes de ses pratiques. Je me retirai tristement en arrière, presque désespéré de la réponse de cette vieille médaille. Néanmoins, pour me distraire, je hasardai de promener mes regards sur l'honorable cohue dont je faisais partie, et parmi laquelle j'aperçus une lady, car dans mon extrême ignorance, je la crus telle. C'était une grosse dame à trogne bourgeonnée d'environ 50 ans, vêtue d'un manteau de velours au cœur de l'été, tête nue. Elle avait les yeux fixés avidement sur moi, comme si elle eût voulu me dévorer. Je me trouvais d'abord un peu déconcerté et je rougis. Mais un sentiment secret d'amour-propre me faisait interpréter la chose en ma faveur. Je me rengorgeais de mon mieux et tâchais de paraître le plus à mon avantage qu'il me fût possible. Enfin, après m'avoir bien examiné tout son sou, elle s'approcha d'un air extrêmement composé et me demanda si je voulais entrer en service. À quoi je répondis que oui, avec une profonde révérence. « Vraiment, » dit-elle, « j'étais venue ici à dessein de chercher une fille. Je crois que vous pourrez faire mon affaire. Votre physionomie n'a pas besoin de répondant. Au moins, ma chère enfant, il faut bien prendre garde. Londres est un abominable séjour. Ce que je vous recommande, c'est de la soumission à mes avis et d'éviter surtout la mauvaise compagnie. » Elle ajouta à ce discours maintes autres phrases plus que persuasives pour enjôler une innocente campagnarde qui se croyait trop heureuse de trouver une telle condition, car je me figurais avoir affaire à une dame fort respectable. Cependant, la vieille teneuse de livres, à la vue de qui notre accord s'était passé, me souriait de façon que je m'imaginais sottement qu'elle me congratulait sur ma bonne chance. Mais j'ai découvert depuis que les deux gueuses s'entendaient comme larrons en foire et que cette honnête maison était un magasin d'où Madame Brand, ma maîtresse, tirait souvent des provisions neuves pour accommoder ses chalands. Elle était si contente que, de peur que je lui échappasse, elle me jeta immédiatement dans un carrosse. Et ayant été retirer ma boîte de mon auberge, nous fûmes à une boutique dans Saint-Paul Churchyard, où elle acheta une paire de gants qu'elle me donna. Puis elle nous fit conduire et descendre droit à son logis, dans Street. Elle m'avait, durant la route, amusée par toutes sortes d'histoires plus incroyables les unes que les autres, sans laisser échapper une syllabe d'où je puisse rien conclure, sinon que par le plus heureux des hasards, j'étais tombée dans les mains de la meilleure maîtresse, pour ne pas dire la meilleure amie qu'il me fut possible de trouver en ce bas monde. En conséquence, je franchis le seuil toute confiante et joyeuse, me promettant, aussitôt installée, d'informer Esther Davis de ma rare bonne fortune. L'apparence du lieu, le goût et la propreté des meubles ne diminuèrent rien de la bonne opinion que j'avais conçue de ma place. Le salon où je fus introduite me parut magnifiquement meublé, car en fait de salon, je ne connaissais encore que les salles d'auberge où j'avais passé sur ma route. Il y avait deux trumeaux dorés et un buffet garni de quelques pièces d'argent bien en évidence qui m'éblouirent. Je ne doutais pas que je ne fusse dans une maison des mieux famées. Aussitôt mon installation faite, ma maîtresse débuta par me dire que son dessein était que nous vécussions familièrement ensemble, qu'elle m'avait prise moins pour la servir que pour lui tenir compagnie, et que si je voulais être bonne fille, elle ferait plus pour moi qu'une véritable mère. À quoi je répondis niaisement en faisant deux ou trois ridicules révérences. « Oh oui, oh que si, bien obligée, votre servante. » Un moment après, elle sonna, et une grande dégingandée de filles parut. « Martha !» lui dit Madame Brown. « Je viens d'arrêter cette jeune personne pour prendre soin de mon linge. Allez, montrez-lui sa chambre. Je vous ordonne surtout de la regarder comme une autre moi-même, car je vous avoue que sa figure me plaît à un point que je ne sais pas ce que je serais capable de faire pour elle. » Martha, qui était une rusée coquine, des mieux stylée au métier, me salua respectueusement et me conduisit au second étage dans une chambre sur le derrière, où il y avait un fort bon lit que je devais partager, à ce qu'elle m'apprit, avec une jeune dame, une cousine de Madame Brown. Après quoi, elle me fit le panégyrique de sa bonne et chère maîtresse, m'assurant que j'étais fort heureuse d'être si bien tombée, qu'il n'était pas possible de mieux rencontrer, qu'il fallait que je fusse née coiffée, que je pouvais me vanter d'avoir fait un excellent hasard. En un mot, elle me dit sans autre platitude de cette espèce, capable de me faire ouvrir les yeux si j'avais eu la moindre expérience. On sonna une seconde fois. Nous descendîmes et je fus introduite dans une salle où la table était dressée pour trois. Ma maîtresse avait alors avec elle sa prétendue parente, sur qui les affaires de la maison roulaient. Mon éducation devait être confiée à ses soins. Et suivant ce plan, on était convenu que nous coucherions ensemble. Ici, je subis un nouvel examen de la part de Miss Phoebe R., ma tutrice, qui eut la bonté de me trouver aussi de son goût. J'eus l'honneur de dîner entre ces deux femmes, dont les attentions et les empressements alternatifs me ravissaient l'âme. Et, simple que j'étais, je ne cessais d'appeler Madame Brand sa seigneurie. Il fut arrêté que je garderais la chambre, pendant qu'on me ferait des habits convenables à l'état que je devais tenir auprès de ma maîtresse. Mais ce n'était qu'un prétexte. Madame Brand ne voulait pas que personne de ses clients ou de ses biches, comme elle appelait les filles de sa maison, me vît, jusqu'à ce qu'elle eût trouvé acheteur pour ma virginité, trésor que, selon toute apparence, j'avais apporté au service de sa seigneurie. Depuis le dîner jusqu'au soir, il ne se passa rien qui mérite d'être rapporté. Après souper, l'heure de la retraite étant arrivée, nous montâmes chacune à notre appartement. Miss Phoebe, qui s'aperçut que j'avais de la honte à me déshabiller en sa présence, m'enleva dans la minute mouchoir de cou, robe et cotillon. Alors, rougissant de me voir ainsi nue, je me fourrai comme un éclair entre les draps. Où la commère ne tarda pas à me suivre en riant aux éclats. Phoebe avait environ 25 ans et en paraissait 10 de plus par ses longs et fatigants services et l'usage des eaux chaudes, ce qui l'avait réduite au métier d'appareilleuse avant le temps. L'aigriade ne fut pas plutôt à mon côté qu'elle m'embrassa avec une ardeur incroyable. Je trouvais ce manège aussi nouveau que bizarre, mais l'imputant à la seule amitié, je lui rendis de la meilleure foi et le plus innocemment du monde, baiser pour baiser. Encouragée par ce petit succès, elle promena ses mains sur mon corps et ses attouchements m'émurent et me surprirent davantage qu'ils me scandalisèrent. Les éloges flatteurs dont elle assaisonnait ses caresses contribuèrent à me gagner. Ne connaissant point le mal, je n'en craignais aucun. D'autant plus qu'elle m'avait démontré qu'elle était femme en portant mes mains sur une paire de seins flasques et pendants dont le volume était plus que suffisant pour faire la distinction des deux sexes, surtout pour moi, qui n'en connaissais point d'autres. Je demeurai donc aussi docile qu'elle put le désirer, ces privautés ne faisant naître dans mon cœur que l'émotion d'un plaisir, d'autant plus vif et plus pénétrant que je l'avais ignoré jusqu'alors. Un feu subtil se glissa dans mes veines et m'embrasa, pour ainsi dire, jusqu'à l'âme. Ma gorge naissante, ferme et polie, irritant de plus en plus ses désirs, l'amusèrent un moment. Puis Phoebe porta la main sur cette imperceptible trace, ce jeune et soyeux duvet, éclos depuis quelques mois, et qui promettait d'ombrager un jour le doux siège des plus délicieuses sensations, mais qui, jusqu'alors, avait été le séjour de la plus insensible innocence. Ses doigts, en se jouant, s'exerçaient à tresser les tendres sillons de cette charmante mousse que la nature a fait croître, autant pour l'ornement que pour l'utilité.